بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم يا إخوة bienvenue les frères ونحن في هذا المجلس نستمر القراءة والشرح على اللامية المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله et dans cette assise nous allons continuer la lecture et l'explication du poème intitulé Al-Lamia, qui a été attribué à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. L'auteur ici, il dit « Wa ukirru bil mizani wal hawdi alladhi » L'auteur ici, il aborde donc le sujet de la balance et du bassin. La balance, yawm al-qiyama, ainsi que le bassin, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection aussi. فَالْإِيمَانُ بِالْمِيزَانِ مِنْ أُصُولِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ La foi en la balance fait partie des fondements des gens de la sunna et du groupe. فَيَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْإِيمَانِ بِنَصْبِ الْمِيزَانِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Il est donc obligatoire aux croyants d'avoir la foi au fait que la balance sera établie au jour du jugement. Fatuzanul a'mal et que les œuvres seront pesées. Les œuvres seront pesées. Wa nu'minu anna min sifatil mizan anna lahu kifatayn. Et nous croyons aussi que parmi les caractéristiques de cette balance, parmi les caractéristiques de la balance, qu'elle a deux plateaux. La balance a deux plateaux. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Wa nada'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah » Et au jour de la résurrection, nous placerons les balances justes. « Fala tuzlamu nafsun shay'a » Aucune âme, il ne sera fait injustice à aucune âme. Aucune injustice. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ Et même si c'est le poids d'un grain de moutarde, أَتَيْنَا بِهَا Nous la ferons venir. Même si ce péché est du poids d'un grain de moutarde, il sera cité au jour du jugement. Tout sera pesé. Et donc le serviteur, le croyant, lorsqu'il étudie ce chapitre, El-Mizen. Hada yarfa'u, cela va l'élever. Li'annahu yasta'id li hada al-yawm, car il se prépare pour ce jour. Ya'rifu anna a'malahu tuzan, il sait que ses œuvres seront pesées, les bonnes et les mauvaises. Fayahuthuhu dhalik ala al-isti'dad, et cela va l'inciter à se préparer. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ Et en ce qui concerne celui dont sa balance sera lourde, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ Alors il sera dans une vie agréable. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ En ce qui concerne celui dont sa balance sera légère, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ C'est-à-dire ouais, sa destination sera Jahannam, l'enfer. Et donc, yajibu ala al-mu'min an yu'mina bi hadha al-mizan. Il est obligatoire au croyant d'avoir la foi en cette balance. Wa an yas'a bil a'mal as-salihah et qu'il s'efforce d'accomplir les bonnes actions. Fa dhakarna huna Adilla min al-kitab. Nous avons aussi cité des preuves venant du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amma sunnah. Fa akhraj al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal kalimatan khafifatan 'ala al-lisan habibatan faqilatan fil mizan habibatan ila ar-Rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-'azim. Et donc le hadith connu, le hadith de Abu Huraira dans le Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a deux quoi, kalimatan, deux paroles, c'est pas deux mots, mais kalimat, c'est mot, kalimat c'est mot ou parole? Si on fait la traduction mot par mot, c'est mot. Parole. La parole d'Allah. Parce que ça vient d'Allah. Alors, les savants de la grammaire arabe, ils disent le mot kalimah. Kalimah, c'est pour un mot. Al-jam' min al-huruf. Majmou' min al-huruf. C'est un ensemble de lettres. Ça forme un mot. Ça s'appelle kalimah. Ils disent, mais parfois, kalimah, ça peut s'appliquer à une phrase, à une parole entière, pas seulement un mot. Et là, il y a une leçon importante. Cheikhoul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il réplique à cela. Et il dit, les savants de la grammaire, ils disent cela, et ils se sont mis d'accord sur cela. Mais tous les textes de la langue arabe, El-Kitab ou As-Sunna, montrent que Kalima, c'est une parole, c'est pas un mot. Que Kalima, c'est une parole, c'est pas un mot. Il veut dire quoi, Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah ? Il veut dire quoi ? La langue arabe, il dit, il t'est obligatoire, ayyuhal muslim, de t'efforcer à connaître la langue arabe. Mais quelle langue arabe ? La langue arabe de notre époque ? La langue arabe du Maroc ? La langue arabe d'Algérie ? La langue arabe de Syrie ? Non. La langue arabe dont il parlait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est celle-là que tu dois connaître. C'est celle-là que tu dois connaître si tu veux comprendre les textes de la législation. C'est celle-là que tu dois connaître. Et tu dois savoir que la langue, elle change. Et donc, il se peut que t'entendes quelqu'un dire quelque chose, t'entendes un savant dire quelque chose avec une signification pour les gens de ton époque, et que ça avait une autre signification à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut donc que tu connaisses la base. Et c'est là qu'on revient à un point essentiel, apprendre la langue arabe chez les gens qui ont une bonne croyance. Souvent on se dit, ah mais c'est pas grave, la langue arabe, ma'alish, c'est bon, j'apprends juste la langue arabe. Même si c'est une personne qui dit que Allah n'a pas d'attribut, Allah n'existe pas, Allah si, j'apprends la langue arabe chez lui. Tu vas apprendre quelle langue arabe ? Tu vas apprendre quelle langue arabe ? Combien d'ambiguïté il va te mettre dans la langue arabe ? Et donc, il faut qu'on s'efforce d'apprendre la langue arabe de façon correcte et chez les personnes aptes à cela. Et donc, kalimatan, deux paroles. Deux paroles qui sont légères sur la langue, lourdes dans la balance. Elles ont du poids sur la balance. Et qui sont aimées auprès d'Allah. Le fait de dire subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Et donc, ce hadith est une preuve aussi affirmant donc l'existence de la balance yawm al-qiyama. Wa qala al-imam Ahmed fi risalatihi usul as-sunnah. L'imam Ahmed, il dit dans son épître usul as-sunnah, les fondements de la sunna, et donc il cite les fondements de la sunna et ensuite il dit al-iman bil mizan kama jaa. La foi en la balance, comme cela a été cité. يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. Et donc il cite ici un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le serviteur sera pesé au jour du jugement et il n'aura pas le poids de l'aile de moustique. El ba'ouda. Un serviteur, un homme qui n'aura pas le poids de l'aile de moustique. Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Et donc dans ce hadith aussi, dans ce hadith, on voit donc l'affirmation de la balance. Et donc l'imam Ahmed, il continue en disant wa tuzanu a'malul ibad kama ja'a fil athar. Et les œuvres des serviteurs seront pesées comme cela a été cité dans les textes. Wal imanu bihi wa at-tasdiqu bihi wal i'radu amman radda dhalika wa taraka wa tarku mujadalati. Il dit Cheikhoul Islam, il dit l'imam Ahmed. Et donc, il est obligatoire d'avoir foi en cela, donc El-Mizen, Yawm al-Qiyama, le jour de la résurrection, et le fait de se détourner de ceux qui l'ont rejeté. de se détourner de ceux qui rejettent cela et qui nient cela, qui disent non. Comment ça vous croyez aux balances, des balances au jour du jugement? On sera pesé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Toute personne qui parle comme ça, tu les délaisses. Tu les délaisses. Et il dit l'imam Ahmed, et le fait de délaisser, le fait de débattre avec lui. Et cela pour préserver ta religion. À cause des ambiguïtés que tous les gens peuvent donner. Et parmi les sagesses qu'il y a en cela, donc dans la balance, le fait d'établir la preuve que Allah est juste. Que Allah est juste. Il ne fait injustice à personne. Toutes tes œuvres te seront montrées. On le verra plus tard, inshallah ta'ala. Toutes tes œuvres. Allah tabaraka wa ta'ala qui demande au serviteur, est-ce que il t'a été fait injustice? Est-ce qu'il t'a été fait injustice? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui ont été citées te concernant qui ne sont pas vraies? Et donc, nous serons jugés en fonction de nos œuvres de façon juste. De façon juste. Et donc, فَمَنْ كَانَ يَعْرِفُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْضِ الْمَعَاسِ إِذَا دَرَسَ ذَلِكَ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ يَسْتَدْرِكُ ذَلِكَ. Toute personne qui sait qu'il est tombé dans certains péchés et qui étudie ce chapitre, la balance, alors il comprend de façon claire qu'il peut se rattraper. Puisqu'il y a la balance avec les mauvaises actions et les bonnes. Il peut donc, pendant qu'il est encore vivant, accomplir des bonnes actions. Minas sadaqat. Wabir al-walidein. Comme le fait d'appliquer la bienséance et la piété avec les parents. Es sadaqat. Les aumônes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, comme dans Sunan, comme dans Jami'at Tirmidhi, il dit, was sadaqatu. L'aumône efface les péchés de la même façon que l'eau éteint le feu. De la même façon que l'eau éteint le feu. Donc, toi qui sais de toi-même que tu es tombé dans certains péchés, il n'est pas trop tard. Alhamdulillah, tu es encore vivant, tu peux encore faire en sorte d'avoir un impact sur cette balance. Un impact positif sur cette balance. Profite donc du fait que Allah tabaraka wa ta'ala te place parmi les vivants pour accomplir de bonnes actions. Ajma' al-ulama 'ala wazn al-a'mal. Les savants sont unanimes quant au fait que les œuvres seront pesées. Wa ikhtalafu fil ajsam. Ils ont divergé concernant les corps. Est-ce que les corps des gens seront pesés? Est-ce que les corps des gens seront pesés? Vous allez me dire, divergence dans la akida? Divergence dans la akida? Est-ce qu'il y a divergence dans la akida? Non. Sur les fondements. Ah, sur les fondements. Barakallahu fik. Et donc, on a ce qui s'appelle usul al-i'tiqad, les fondements de la aqida. Il n'y a pas de divergence en ce sujet. Il n'est pas permis de contredire les fondements de la aqida. Parmi les fondements de la aqida, la foi en la balance. Le fait que yawm al-qiyama, la balance sera établie de façon juste. Ça, il était obligatoire de le croire, d'y croire. Et le fait de croire que les œuvres seront pesées. Obligatoire. Pourquoi? Parce que cela fait partie des fondements. Maintenant, il y a certaines branches. Est-ce que les corps seront pesés? Est-ce que les parchemins dans lesquels sont citées les œuvres seront pesés? Ça, ce sont des sujets de divergence. Ce sont des sujets de divergence. Mais dans les fondements, dans le sujet en lui-même, est-ce que la balance existe? Unanimité. On n'a pas le droit de dire non. Mais pourquoi? Comment ça une balance? Et on verra comment certains ont rejeté cela, inshallah ta'ala. Fait as-sahih anna al-a'mal wal-ajsam was-sahaif kullaha tuzan. Et l'avis le plus juste, c'est que les œuvres, les corps des gens, ainsi que les parchemins, tout cela sera pesé au jour du jugement. فأما الأجسام فالدليل حديث الحديث الذي أشار إليه الإمام أحمد في أصول السنة. En ce qui concerne les corps des gens qui seront pesés, la preuve de cela est le hadith dont l'imam Ahmed a fait allusion dans son épître ou sous le sunna, les fondements de la sunna qu'on a cité précédemment. Wa hadha al-hadith akhrajahu al-Bukhari an Abi Hurayra radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. Et donc Abu Huraira radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes un homme imposant et gros, un homme imposant et gros viendra au jour du jugement. Il n'aura pas le poids de l'aile d'un moustique. Il n'aura pas le poids de l'aile d'un moustique. ففي هذا الحديث أن الرجل هو الذي يوزن. Dans ce hadith, c'est l'homme lui-même qui est pesé. Ce ne sont pas ses œuvres. C'est lui-même qui est pesé. D'accord ? وأما الدليل على وزن الأعمال في حديث أبي الدرداء في سنن أبي داود. En ce qui concerne la preuve qui montre le fait que les œuvres sont pesées, c'est le hadith de Abi Darda. Dans le recueil Sunan Abi Daoud, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala ma min shay'in athqalu fil mizan min husn al khuluq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il n'y a rien qui soit plus lourd dans la balance que le bon comportement. Yarhamukallah. Il n'y a rien qui soit plus lourd dans la balance que le bon comportement. Allahu Akbar. Où sommes-nous? Chacun se remet en cause. Avons-nous le bon comportement? Avec nos prochains, avec nos voisins, avec nos proches. Avons-nous le bon comportement avec ceux qui sont autour de nous, nos collègues au travail, nos frères à la mosquée? Il n'y a rien qui soit plus lourd dans la balance que le bon comportement. Attention, on l'a déjà dit plusieurs fois, l'islam, c'est pas juste salat, zakat, siyam, etc. Non, il y a le bon comportement. Le bon comportement. Quand tu sors chez toi, l'islam s'applique aussi, le bon comportement. Dans la rue, ça s'applique. Comment tu gardes ta voiture, ça s'applique. Comment tu roules dans ta voiture, le bon comportement. Tout le temps. Il n'y a rien qui soit plus lourd dans la balance que le bon comportement. Et donc ici, on voit que ce sont des œuvres qui sont pesées. Ce sont des œuvres. Wa amma ad-dalil wa la wazn as-sahaif hadith al-bitaqa. En ce qui concerne la preuve qui montre que les parchemins seront pesés, le hadith de la carte, hadith al-bitaqa, le hadith de la carte. On va le citer inshallah ta'ala. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il dit certes Allah عز وجل va isoler un homme de ma communauté et le mettre en évidence devant toutes les créatures au jour de la résurrection. فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا. Il va donc lui montrer 99 parchemins. 99 parchemins. كُلُّ سِجِلٍ مُدَّ الْبَصَرِ. Chaque parchemin qui parvient, qui atteint, et qui, excusez-moi, qui est long à perte de vue. مُدَّ الْبَصَرِ. À perte de vue. Un long parchemin qui va jusqu'à perte de vue. Que des mauvaises actions. Que des mauvaises actions. Thumma yakulu la. Et tunkiru min hadha shay'an. Ensuite, Allah il dira à ce serviteur, est-ce que tu renies quelque chose de cela? Est-ce que tu renies ne serait-ce qu'un péché? Est-ce que mes scribes, ceux qui ont inscrit les péchés, est-ce que mes scribes, ils t'ont fait injustice? Est-ce qu'ils t'ont fait injustice? Il dira non, Seigneur. Non, ô Seigneur, ils ne m'ont pas fait injustice. Tout ce qui est écrit là, c'est à moi. Ce sont mes mauvaises actions. Fayakul, elaka udhrun aw hasana. Alors Allah, il lui dira, est-ce que tu as une excuse ou une bonne action? Est-ce que tu as une excuse par rapport à tout ce que tu as fait ou une bonne action? Fayabhatur rajul. Alors l'homme, il ne saura pas quoi dire. Il reste silencieux. Thumma yakulu la ya rab. Ensuite, il dira, non, ô Seigneur, j'ai pas d'excuse. J'ai pas de bonne action. Alors il sera dit, innaka la tuzlamu al-yawm. Certes, il ne te sera pas fait d'injustice aujourd'hui. Inna laka indana hasanatan. Tu as auprès de nous une bonne action. Une bonne action. Fatakhruju hadhihi al-bitaqa. Maktubun fiha la ilaha ashhadu an la ilaha illa Allah. Alors cette carte va venir. Il lui sera montré cette carte sur laquelle il est écrit La ilaha illallah. Muhammadun est le messager d'Allah. Qu'est-ce qu'il dira le serviteur? Ya Rab, ma hadhihi al-bitaqa amama hadhihi as-sijillat. Ô Seigneur, que représente cette carte à côté de tous ces parchemins 99 qui vont jusqu'à perte de vue de péché. Que représente cette carte à côté de tous ces parchemins? Innaka la tuzlamu al-yawm. Il ne te sera pas fait injustice aujourd'hui. Fatudau as-sijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah. Alors les parchemins seront placés sur un plateau de la balance. Et la carte, la ilaha illallah, sur l'autre plateau de la balance. Fatashat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqa. Alors, à ce moment-là, les parchemins seront légers. Et la carte, avec marqué la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, elle sera lourde. Et elle sera plus lourde que les parchemins. Nous voyons clairement, yufhamu min hadha al-hadith, anna hadhi sijillat tuzan. On voit clairement dans ce hadith que les parchemins sont pesés. Et donc tout cela est pesé, les œuvres, l'individu en lui-même et les parchemins sur lesquels sont notées les bonnes et les mauvaises actions. Hal hunaka ishkal? Est-ce qu'il y a un problème? Fil hadithayn al-madhkurayn, dans les deux derniers hadiths qu'on a cité. Est-ce qu'il y a un problème? Hadith al-awwal, le premier hadith qu'on a cité, du moins l'avant-dernier, c'était Ma min shay'in athqalu fil mizan min husn al-khuluq. Rien, il n'y a rien qui soit plus lourd dans la balance que le bon comportement. Et le deuxième hadith, la bitaqa, la carte. Contradiction ou pas contradiction? Cette même question, subhanallah, avec les frères en Martinique, on fait les 40 hadiths de Nawawi. Cette même question, je leur ai posée il y a deux jours. L'ikhlas ou l'amal, l'ikhlas. La base des œuvres, c'est l'ikhlas. Et donc, tu veux dire que la bitaqa, là, il a, c'est plus lourd que le bon comportement. Mais qu'est-ce que tu fais avec le hadith du prophète? Il n'y a rien qui soit plus lourd dans la balance que le bon comportement. Avec Tawhid, c'est sûr. Mais donc, est-ce que ici, la balance, est-ce que ici, la ilaha illallah, ou du moins la bitaqa, elle est plus lourde, ou husnul khuluq? La ilaha illallah. Les savants, ils ont expliqué, hatta nafham, ils ont dit, husnul khuluqi qismain. Ils ont dit, le bon comportement se divise en deux. Husnul khuluq ma'al khaliqi wa husnul khuluq ma'al makhluq. Un bon comportement avec le créateur et un bon comportement avec la créature. Et donc tu as un bon comportement avec la créature, mais il te faut aussi un bon comportement avec le créateur. Et c'est là qu'on a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et donc le bon comportement avec le créateur, هذا يطلب منك أن تصدقه في أخباره. Cela te demande que tu crois en toutes les informations que Allah tabaraka wa ta'ala te rapporte. Que ce soit par son livre ou par la langue de son messager. Tu dois y croire. Et donc tu vas croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cela, le bon comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala demande que tu obéisses à ses ordres et que tu délaisses ses interdits. Le bon comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala demande que tu patientes sur le destin. Ce mois-ci, tu as moins d'argent. C'est difficile. Tu patientes. Ce mois-ci, tu es malade. Tu patientes. Ce mois-ci, il y a eu un mort dans ta famille. Tu patientes par rapport au destin que Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé. Cela fait partie du bon comportement envers le Créateur. وَهَكَذَا جَمَعْنَا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ. Et c'est comme cela qu'on va rassembler entre les deux hadiths. طيب أنكر الميزان الجهمية والمعتزلة. الجهمية et المعتزلة, ces deux groupes ont rejeté la balance. فقالوا الأعمال أعراض. Ils ont dit, les œuvres, ce sont des caractéristiques. Comment est-ce qu'on peut les peser? Les œuvres de Abdelkarim, ce sont ses caractéristiques. Comment est-ce qu'on peut les peser? Abdelkarim, il est grand. Allez, comment on va peser le fait qu'Abdelkarim, il est grand? Un tel, il est blanc. Comment on va peser le fait qu'il est blanc? Et donc, ils disent, les œuvres des gens sont des caractéristiques. On ne peut pas peser des caractéristiques. Et pour répondre à cela, Ahlus Sunnah, ils disent, قال الله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير. Allah le Très-Haut, il dit, certes, Allah est capable de toute chose. والله يفعل ما يريد. Et Allah fait ce qu'il veut. Ce n'est pas à nous de dire comment, mais est-ce que je pense. Non, Allah, il fait ce qu'il veut, Akhi. Il fait ce qu'il veut. À cause de cette raison, à cause de leur mauvaise raison, de leur raison corrompue et de leur mauvaise compréhension, ils ont rejeté ce fondement. Ils ont rejeté ce fondement. Et ce qui est cité dans le Coran, ils le rejettent alors qu'il est dans le Coran. Tout ça à cause de la raison. Non, je pense que, non, je pense que, non, je pense que. Alors que Ja'a fil Bukhari wa Muslim. جاء في البخاري ومسلم أنه يؤتى يوم القيامة بالموت كهيئة كبش أملح. Il était cité dans Sahih al-Bukhari et Muslim, le plus haut degré d'authenticité. C'est fini. Déjà, on ne peut plus dire non, daïf ou pas. Non, al-Bukhari et Muslim, c'est fini. C'est authentique. Qu'est-ce qui a été cité dans le Bukhari et Muslim? Que la mort sera venue et sera la mort sera ramenée au jour du jugement sous la forme d'un mouton blanc. Amlah, blanc, il a été dit blanc avec un peu de noir, mais plus de blanc. Et il a été dit totalement blanc sous la forme d'un mouton. Fayuzbah, alors la mort sera égorgée. Comment est-ce qu'après ça, tu peux dire que les œuvres ne peuvent pas être pesées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche que les œuvres soient pesées? On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, concernant le cours. Et j'ai demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous et à toutes la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.